En Corée, les mines de charbon augmentent la production. Le complexe houiller du district de Tokchon a introduit diverses méthodes de dynamitage avancées pour dépasser le plan de production journalier, alors que le complexe houiller de la jeunesse du district de Bukchang et le complexe houiller du district de Kaechon livrent l'émulation entre les troupes de choc de la jeunesse et les sections de fonceurs pour accroître la production. La mine de charbon de la jeunesse de Jikdong 8 février du complexe houiller de la jeunesse du district de Suncheon a produit en une quinzaine plus d'une dizaine de milliers de tonnes de charbon que le plan, alors que le complexe houiller du district de Guangdong a concentré ses forces au chantier d'extraction prometteur pour accroître la production du charbon nécessaire aux centrales thermoélectriques.